crache sur vos esprits serrés, plus serrés que le tuck de mes sœurs. La tête de ces rasselards sous les roues 22 pouces du compresseur. Tu connais quoi de l'oppression, fils de timbre, t'y connais rien. Demande au môme, ça fait quoi d'être homo quand t'es collégien. Vous voulez que je parle, bande de merde, faudra pas vomir quand je jacque. J'étais compris par personne à parler, deux trois gosses de la DAS. Mais le F, pourquoi tu te flashes? Mais regarde-moi, j'ai mal au cœur. Mais le F, t'as seulement 14 ans. Je m'en bats les couilles, ça me fait du bien. Le F, plus personne te comprend. Mais rien à foutre, au bout y'a rien. Le F, à ta mère, tu fais peur. T'en fais pas, je vais le dire à maman. Pourquoi tu t'échappes par les fenêtres? Parce que la nuit, personne me juge. Pourquoi t'as une lame dans ta veste? Parce que ces porcs ont 50 ans. Sais-tu que tout ça, c'est dégoûtant? Je sais, petite conne, mais j'ai pas le choix. Mais pourquoi t'assumes pas ce que tu es? Parce qu'on m'autorise pas à le faire. Le monde fait les 100 pas la nuit, cicatrise tout dans le whisky. Vomit tout dans les agapantes. Pour entrer, faut surtout pas qu'il tangue. Papa, maman pourrait l'entendre. Et se justifier, il en peut plus. À l'école, c'est déjà l'enfer, il veut pas d'un problème de plus. Y'a que 2D et son flaky qu'il regarde avec honnêteté. Un jour, il sait qu'il sera heureux, mais pour l'instant, faut s'enterrer. Il fait semblant devant des gens qui l'ont à peine apprécié. Je suis un homme, ou comme ils disent, je me travestis pour me protéger. Main dans les poches, les grosses. J'ai dû mourir pour prospérer. Le monde veut t'effacer, petit cœur, tu pourras jamais trop céder. Personne n'a qu'à là le procéder. T'as le droit d'être humain dans le CD. Ok, comment tu vas te sentir si même être humain, on l'est trop pour toi, hein? Petit, dis-moi comment tu te sens bridé par la masculinité de façade. 20 ans plus tard, on trouve la brèche parce qu'avant je pensais qu'à ça. La porte de sortie, bâtard, c'est peut-être pas la mort. Personne n'a compris la manœuvre parce qu'ils étaient pas à bord. Chaque humain est gaspillé par le système qu'on lui impose. Ma mère pensait que je me gâchais chaque fois que je m'allumais en poste. Elle avait raison. Une gamine quand je vidais 2 litres de rhum de cuisine. Tu sais, c'était une conséquence, pas une cause. Comment veux-tu être honnête sans qu'on cause? Les caméras scrutent sans qu'on pose. On vient du trou du cul du monde, bâtard, j'ai grandi sans qu'on pose. Ouais. Aujourd'hui choque la métropole qu'on n'a pas connue, bah ouais. Vivons heureux, vivons cachés, ça m'a pas sauvé, bah ouais. Avant d'être réel, ma fierté a déjà pris le large. La vienne est morte dans les toilettes publiques. On est tous des enfants de Dieu si Dieu y a. Pourquoi il n'a pas fait un signe? Œil pour œil, dent pour dent, j'ai assez tendu l'autre jour. J'ai trop meurtri mon corps, j'ai trop meurtri mon cœur. Demain tout ira mieux petit, c'est juste un autre jour. Vous voulez nous afficher bande de bâtards, on le fait déjà sans vous. Aujourd'hui je suis plus monétisable que les photos de mon bas ventre et de ma c*** qui tournait dans des convos Skype quand j'étais gamine. On est né beau, le monde nous a rendu moche. Maintenant c'est à nous de rendre le monde plus beau. Et si c'est pas plus beau, ce sera au moins plus vrai. J'ai pas mangé depuis hier midi, j'ai passé la nuit à me retenir de pisser parce que j'avais encore oublié de considérer mon corps. C'est pas grave, on a tenu jusqu'ici comme ça. Je ferai les mêmes erreurs en boucle jusqu'à m'en défaire ou jusqu'à ma mort, on verra bien, hein. Là on parle même aux neuneux qui conçoit rien au-delà de la forme. S'il vous plaît, écoutez deux secondes, c'est l'heure de vous reconnecter à votre sensibilité. Brisez le pattern, bande de sgay. Transformez la boucle en spirale ascendante. Personne n'est parfait, encore moins votre image. Alors attendez pas qu'un ange vienne vous sauver et soyez l'ange. Merci à Néo d'avoir fait partie des premiers à me concevoir. Merci à Femto d'oser dire ce que j'ai jamais osé dire à personne. Merci aux humains qui ne succombent pas à la stupidité de leur ego. On n'a pas encore fini de creuser. Et on s'approche pas à pas du cœur, le vrai. Celui qui s'abstrait de toutes les crasses de son environnement. Celui avec lequel on est. Parce que je suis bien trop empathique et vulnérable pour nous autoriser à vivre dans un monde aseptisé où même l'éthique devient un jeu de performance. Allez vous faire enculer, ou soyez réel.